perdu vers toi, mon amour. Quand tu reviendras, je pleurerai, je chanterai de joie, mon amour. Viens, ne tarde pas, tu sais que je ne j'attends.